Chapitre 18e. Ikuteruka ne perdit rien de la scène qui suivit. Il vit le mandarin, précédé du petit borgne, se diriger vers son wagon. C'était un homme agile autant que vigoureux. Il gravit lestement le marchepied et s'engagea dans le couloir dont sa tête toucha le plafond et ses épaules les côtés. Ikuteruka, qui avait rabattu son voile violet sur son visage et s'était accoté dans un angle du compartiment, attendit. La porte du compartiment s'ouvrit. Shōfu parut. Il se prosterna humblement et annonça au maître que le très puissant, très sage et très vénérable seigneur Tansui daignait lui demander un entretien. « Que cet illustre personnage entre. Moi et mes ancêtres, nous en sommes honorés jusqu'à la 3000e génération, » affirma sérieusement Ikuteruka. Shōfu s'effaça pour permettre au mandarin de passer. Ce n'était pas un imbécile que le petit borgne, loin de là. Il referma soigneusement la porte derrière le visiteur. Ikuteruka, qui s'est élevé, vit Tansui s'avancer vers lui. C'était le moment. Le grand détective, ramassant toute son énergie, porta au céleste un terrible coup de tête dans le ventre qui l'envoya rouler, étourdi, contre la cloison. Ikuteruka n'attendit pas qu'il se fût remis de son émoi, et d'une savante passe de jiu-jitsu, le réduisit complètement à l'impuissance. Il le ligota rapidement à l'aide d'une ceinture de soie ayant appartenu au maître sans nom, le bâillonna, l'étendit sur une des banquettes et le recouvrit d'une couverture, après quoi il rouvrit la porte du compartiment. Shōfu, livide, tremblant, attendait dans le couloir. « Va faire la commission que je t'ai confiée, » ordonna Ikuteruka. Le puissant Tansui, d'accord avec moi, commande que le train rebrousse chemin et file vers Canton, et tout de suite. Le puissant Tansui est pressé, et moi aussi, bah, et prends un air plus rassuré. « Oui, seigneur, » bafouilla Shōfu, qui véritablement claquait des dents. Il disparut dans le couloir. Ikuteruka, à travers la vitre du wagon, observa ce qui se passait sur le quai de la petite gare. Il vit Shōfu, qui avait, en apparence du moins, recouvré toute son assurance, faire des signes impératifs à l'adresse du chef de gare et du seigneur Heng. Il dut convaincre les deux hommes, car presque aussitôt le sifflet de la locomotive s'entendit. La machine, dételée, manœuvrait pour aller prendre place à l'arrière du train afin de le traîner en sens contraire. Shōfu s'en fut ensuite parlementer avec les célestes de l'escorte du mandarin qui, convaincus, s'éloignèrent en bon ordre. Le quai de la gare fut de nouveau plongé dans une demi-obscurité. Quelques minutes s'écoulèrent. Ikuteruka trouvait le temps long. Ce fut avec soulagement qu'il se sentit secoué par le choc de la locomotive qui prenait sa place pour amener le convoi vers Canton. Mais presque aussitôt, des hurlements furieux le firent tressaillir. Il vit Heng qui se précipitait vers l'arrière du train, vers le wagon dont lui, Ikuteruka, s'était évadé. Le bandit, à moins que ce ne fût le chef de gare, venait de découvrir la brèche faite par le détective dans la cloison du wagon. Les affaires se gâtaient. « Tout est perdu, seigneur !» s'écria Shōfu, affolé, en se précipitant dans le compartiment où attendait le grand détective. « Non, imbécile !» fit Ikuteruka. « Reste ici, surveille le prisonnier, et entends-tu, si l'on vient, avertis que tu le poignarderas sans pitié si on t'attaque. Sinon, je te laisse périr sous le poison, compris ?»« Oui, seigneur, nous verrons. » Et Ikuteruka, sans hâte, se dirigea vers la porte du wagon et gravement descendit sur le quai et marcha à pas lents vers la locomotive. Il put voir qu'il ne s'était pas trompé. Heng, entouré d'une demi-douzaine de ses acolytes, gesticulait du côté du chef de gare devant le wagon éventré par Ikuteruka. Le grand détective comprit que, malgré sa vigueur et son adresse, il ne pourrait venir à bout de tous ces hommes. Ceux-ci d'ailleurs l'avaient vu. Heng se précipita à sa rencontre en hurlant des lamentations. Ikuteruka l'eut bientôt rejoint. D'un geste de la main, il lui ordonna de s'écarter et à l'improviste bondit sur la locomotive. Son acte fut si prompt que personne ne pensa à s'y opposer. La machine était déjà attelée. Ikuteruka, d'une poussée, précipita le mécanicien sur la voie. Il fit suivre le même chemin au chauffeur en lui assenant un formidable direct en plein visage et à la seconde suivante, ouvrit en grand le volant de mise en marche. La vapeur s'engouffra dans les tiroirs avec un bruit sourd, tandis que la locomotive s'ébranlait brusquement et entraînait le train.